Chapitre 53. Horreur, douleur, hébétude. L'aube était venue, sortant des bois à la manière d'un animal craintif, dépourvu de joie et d'espoir. Servaz avait observé de loin le travail pénible du légiste débarqué de l'Institut médico-légal de Versailles sur le bord de la fosse à Lisier, puis le départ en ambulance du sac à glissière contenant le corps martyrisé de Vincent. Il s'était éloigné de la maison, marchant longuement dans la grisaille à travers champs, entre les boquetots, fumant cigarette sur cigarette d'un paquet qu'il avait emprunté, tandis que des centaines d'oiseaux saluaient gaiement le jour qui se levait. Un jour que Vincent ne verrait pas. Il avait besoin d'être seul. Il n'arrivait pas à réaliser que tout ceci était réel, que Vincent ne serait plus là le lendemain ni les jours suivants à partager avec eux les dernières informations. C'était sans nul doute l'une des nuits les plus longues et les plus terrifiantes qu'il ait vécues. Il était trop engourdi pour penser clairement. Mais quand il revint vers la maison, où se massait encore un très grand nombre de policiers et de gendarmes, la nuit de son cerveau avait commencé elle aussi à se dissiper pour faire place à une aube d'une clarté glaçante. Il réunit la plupart des hommes et des femmes présents, techniciens et enquêteurs, et, le teint crayeux, les yeux rouges, déclara « Je veux que vous releviez chaque trace, chaque fibre, chaque empreinte, que vous examiniez chaque recoin, chaque centimètre carré de cette fichue baraque, même si vous devez y passer les prochaines 24 heures, et que le moindre échantillon soit envoyé au labo. » Que vous retourniez cette bicoque de la cave au plafond. Et que vous oubliez les pauses et les plaisanteries, c'est bien compris ? Certains hochèrent la tête, d'autres le regardèrent comme s'ils avaient affaire à un fou. « T'en fais pas !» intervient Pierrat. « Je te garantis que l'enquête sur la mort de Vincent aura la priorité sur tout le reste, et que la crime va mettre toute son énergie dedans. On va retrouver ces salopards, Martin !» Le flic parisien était blême. Sa voix tremblait. Il marqua une pause, puis continua d'un air incrédule, sourcils froncés. « Je sais qu'aujourd'hui, nous autres, policiers, sommes devenus des cibles. Mais ça, ce qui est arrivé à ton adjoint, ça va bien au-delà. Ça pue, si tu veux mon avis. On a marché sur un sacré nœud de vipère. Qu'il soit prêt à torturer un flic de cette façon, ça veut dire qu'on a mis le doigt sur quelque chose de bien plus grave qu'on ne pensait. » Servaz était du même avis. Il hocha la tête. Mais en attendant, il avait une tâche encore plus pénible à accomplir. « Il me faudrait un téléphone, » dit-il. « J'ai un coup de fil à passer. » Pierrat fit signe à un technicien, échangea avec lui quelques mots. Le technicien disparut et revint au bout de 3 minutes avec un appareil. Servaz s'en empara, sortit de la maison. Il s'éloigna à l'abri des oreilles indiscrètes, gagna le grand chêne touffu sous lequel il s'assit, dos appuyé contre le large tronc, vérifia qu'il y avait du réseau. Le ciel s'était encore éclairci. Il découpait à présent le bâtiment et le moindre bosquet avec la netteté d'une photo retouchée. En d'autres circonstances, Servaz aurait pu apprécier cette vision bucolique, mais pas ce matin. Il respira un grand coup, composa un numéro qu'il connaissait par cœur. « Charlène ?» dit-il quand on eut décroché. « C'est moi. Tu es seule, là ?»